tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Et si on chantait ? Une série d'Olivier Chomel réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a le plaisir de donner de la voix, de retrouver un couplet ou de tout donner au karaoké. Et puis il y a des techniques qui nous dépassent et qui nous emmènent dans la steppe. Alors pour commencer, les personnages. Un ethnomusicologue chantant, un documentariste avec un don caché, un phoniatre qui explique, un chanteur qui enseigne, un acrobate qui s'est lancé, un maître, un spécialiste qui a collecté des hippies New Age et une musicologue qui décode. Ensuite, le décor. Une révélation, des cordes vocales, des écrans, une fibroscopie, la Mongolie, le Omi, des voyages, l'étrange, une yourte, du stop, du riz, le vent, des harmoniques, une découverte inattendue, le scepticisme et une réinvention. Aujourd'hui, deuxième épisode, un chant inouï. Le chant diphonique, c'est un chant qui permet à n'importe qui de produire deux sons en même temps. Kran Kwangrai, ethnomusicologue. Un son grave qui est le bourdon et un son aigu composé par une série des harmoniques. Et cette technique-là, ce type de chant existe en Sibérie, en Asie centrale, à savoir la Mongolie, le Touva, le Bachkiri, etc. Et puis après, on a découvert il y a 20 ans l'existence du chant diphonique chez les Xhosa. C'est-à-dire que chez le peuple qui parle avec des clics et des cloques. C'est en Afrique du Sud. Oui, absolument. C'est un chant grave. Alors, les harmoniques, c'est venu petit à petit. J'ai dû pas mal m'entraîner. Et alors, je me souviens pas de la première fois où je me suis dit, là... On y est. Là, on y est. Non. Par contre, un jour, j'étais en vacances chez ma mère et je passais l'aspirateur et elle m'a dit « Tiens, depuis la pièce au-dessous, j'ai entendu des sons étranges. » Donc, sans doute, est-ce que mon bourdon étant noyé par l'aspirateur, mes harmoniques ressortaient mieux. Et du coup, là, elle a entendu ce qui, moi, m'intéressait et que jusqu'à présent, elle n'avait pas entendu. De l'influence de l'aspirateur sur les musiques des steppes. Voilà. Si on chantait, Olivier Chomel, Marie-Laure Ciboulet. Le chant diphonique des steppes. Jean Habitbol, vous êtes otorhino-laryngologiste, et c'est plutôt le troisième terme de cette spécialité qui nous intéressera. Vous êtes phoniatre, médecin de la voix. Oui. Spontanément, sous nos climats, en Occident, je veux dire, on suppose qu'en chantant, on ne peut émettre qu'une seule note à la fois. Oui. Mais il y a des régions du monde assez nombreuses, pas mal en Asie, Tibet, Mongolie, Altaï, Kalmouki, qui est en Europe, où on pratique le chant diphonique ou harmonique, c'est-à-dire qu'on fait un son grave. Exactement. Et on va faire naître des harmoniques aiguës. Comme s'il y avait deux voix. Oui. Et c'est très surprenant pour nous autres. Oui. Il y a ce qu'on appelle le bourdon. Exactement comme l'orgue. Vous faisiez tout à l'heure, moi je ne sais pas le faire, hein. Mais vous le faisiez très bien. Je peux vous faire un peu d'harmonique même. Hein. Allez-y. Voilà. Là, ce que vous faites, vous créez un son. Alors, je suis obligé de revenir un tout petit peu sur une anatomie. Il y a deux cordes vocales, droite et gauche. qui sont symétriques, qui se rejoignent en avant et qui s'écartent en arrière. Pour émettre un son, il faut qu'elles se rapprochent. Mais, dans les années 80, grâce à Trent Van Hy, remarquable chanteur. Ethnomusicologue. Il a eu le courage de garder une fibre optique au niveau du nez pendant plus de 20 minutes. Et il a chanté en diphonique devant l'écran que nous avions tous les deux, que nous observions. Et on a essayé de comprendre. C'était la première fois qu'on essayait et qu'on a compris ce que ça voulait dire. Car au départ, jusqu'alors, c'était complètement mystérieux. À ma connaissance, faut être modeste là-dessus, parce qu'on a toujours l'impression de réinventer la roue. Attention. Mais à l'époque, pour nous deux, c'était une révélation. Eh bien, qu'est-ce qu'on a découvert? On a deux cordes vocales, ça, on le sait, bien sûr. Mais on a ce qu'on appelle en arrière l'articulation, et qu'on appelle les aryténoïdes. Vous savez bien qu'on aime bien les noms grecs quand on parle de médecine. Et l'aryténoïde, c'est deux petits morceaux d'os très petits qui font 7 mm, entre 4 et 8 mm de hauteur, et qui permettent de fermer les cordes vocales. Et on se disait que les aryténoïdes, donc en arrière des cordes vocales, ne vibraient pas. Eh bien, pas du tout. Elles vibrent. Et le bourdon vient de la vibration des cordes vocales et des aryténoïdes en arrière, et qui donne une voix très grave, comme vous faisiez tout à l'heure, alors que la corde vocale ne peut pratiquement pas le donner. C'est l'arrière qui donne cette vibration très grave. Mais là-dessus, vous rajoutez ce que nous appelons les harmoniques, c'est-à-dire entre les cordes vocales et vos lèvres. Et quand vous faites le son diphonique, vous bougez vos lèvres d'une certaine façon, vous changez le volume des caisses de résonance, et la caisse de résonance, c'est au-dessus des cordes vocales, c'est les joues, c'est la langue, c'est la base de la langue, c'est le voile du palais, c'est le nez, et la porte de sortie, ce sont les lèvres. Et pour quelqu'un qui est complètement innocent, il a l'impression que votre voix vient d'ailleurs. L'Occident a longtemps ignoré ces techniques musicales. Ignoré au sens où nous ne savions pas que ça existait et que nous étions même persuadés que ça ne pouvait pas exister d'émettre plusieurs notes à la fois. Les explorateurs russes du XIXe siècle avaient bien constaté que certains peuples de la partie asiatique de l'Empire produisaient des sons étranges dans leurs chants traditionnels, mais l'observation restait anecdotique et mal décrite. Dans les années 1970, Roberta Maillon, chercheuse au Musée de l'Homme à Paris, était partie en Asie centrale avec un magnétophone pour une collecte sonore tous azimuts. Lorsqu'au retour, elle a fait écouter ses bandes à ses collègues, ceux-ci lui ont dit « Mais non, le son aigu qu'on entend, c'est quelqu'un qui siffle ou qui joue de la flûte dans la yourte à côté. » Elle avait eu beaucoup de peine à faire admettre la réalité. Une seule voix produisait en même temps un son grave et un voire plusieurs sons aigus. Depuis, nous nous sommes familiarisés avec ces pratiques en Occident. Nous nous les sommes même appropriées peu à peu, ne serait-ce que pour le plaisir de réussir à émettre des sons extraordinaires, et sans aucun instrument qui plus est. Il semble que certains chats, lorsqu'ils entendent leur maître chanter à deux voix, viennent sur le champ le retrouver à grand bond, surexcités et follement affectueux. Le mot mongol qui désigne cet art se transcrit en alphabet latin K-H-O-T-R-E-M-A-O-T-R-E-M-I-I. Mais ça se prononce comment, au juste ? Homi. Joanny Curtet. Alors, homi, ça c'est une des manières de translittérer, hein, évidemment, selon la norme adoptée. Homi ou homei, littéralement, ça veut dire pharynx, ou le fond du palais, et donc une des parties du corps qui nous sert à produire cette technique spectaculaire et très particulière que font les Mongols, qui a été qualifiée par la recherche ethnomusicologique notamment de chant diphonique. Mais le terme chant diphonique pour les Mongols, ça leur dit rien du tout, ils n'utilisent pas du tout ce terme, ils ont un terme vernaculaire qui est homi pour décrire cette technique vocale. Et qui n'est pas associé à ce qu'on appelle le chant, si alors, j'ai bien compris. Exactement. Pour les Mongols, c'est donc une technique vocale qui est classifiée à part, contrairement à ce qu'on appelle le chant en mongol, do, qu'on peut translittérer D-U-U, et le chanteur, do-chin, c'est une personne qui va mélodiser sur un texte chanté, avec un poème, des ornements, etc. Il y a plusieurs répertoires associés au chant. Il y a de nombreux répertoires. Il faut savoir que les Mongols, c'est un peuple de chanteurs. Je crois que les fondements de leur culture, le nomadisme, y est pour quelque chose. La voix, on la porte comme nos habits. Ça se transporte facilement. Exactement. Et donc, pour cette raison-là, les Mongols ont développé de nombreuses techniques vocales. Le homi étant un petit grain de sable parmi plein d'autres. techniques et de vastes répertoires chantés, les chants longs, les chants courts, les épopées, les chants de louanges, les éloges, etc., etc. Emmanuel Reylan, vous chantez tous les jours ? Presque. Presque, je profite de mes trajets à pied pour m'exercer au chant diphonique. Dans les bois ? Dans la rue, quand il n'y a pas trop de monde. Quelle est la réaction des passants ? Le plus souvent, ils ne réagissent pas. Alors, est-ce qu'ils n'entendent pas ? C'est possible, ou est-ce qu'ils ignorent ? Un jour, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est... J'ai entendu quelqu'un faire du chant diphonique dans le métro, et j'ai répondu en chantant moi aussi. Et si vous m'appreniez, Emmanuel Reylan, pourquoi pas à chanter deux notes à la fois, vous vous y prendriez comment ? Il faut déjà mettre en place le timbre. Alors, on ne va pas faire en sorte qu'il soit parfait. Si on était dans la tradition mongole, on passerait des mois, je pense, là-dessus. Mais déjà, que le timbre soit bon, part d'un fort chuchotement. Puis, on le timbre. Ça fait un peu porte qui grince. Puis, on le timbre encore plus. Première manière d'aborder le timbre. Deuxième manière, plus ludique, on imite des animaux. On imite la brebis. La brebis anglaise, parce que les brebis anglaises font ba et pas ba. Ba. Eh oui, l'onomatopée en anglais c'est ba. Ba. Ba. On imite la vache qui mugit. Donc tout ça permet d'avoir le timbre de base. Et alors ensuite, alors pour aller au plus simple, on va mettre la langue au palais, comme pour dire elle. Si vous dites elle, vous vous rendez compte que la pointe de la langue touche le palais. Elle, oui. Elle, la la la la la la la. La la la la la la la la la. Voilà, donc on va reprendre le timbre de la voix de brebis. Et très doucement, on va dire « ala la la la la la ». On entend quelque chose qui se passe dans les aigus. Je peux le faire plus grave que vous ou oui, ça n'a pas d'importance ? Oui, bien sûr, au contraire, choisissez la hauteur qui vous convient. Non, j'y suis pas là. Ah, on entend pourtant quelque chose qui bouge dans les aigus, c'est les harmoniques. Oui. Alors l'étape suivante, garder la langue au palais, mais plus appuyée que pour un L, et puis très doucement la bouger d'avant en arrière, la pointe de la langue. Alors, les harmoniques, c'est super. Comment est-ce que vous étiez tombé sur ces techniques vocales relativement méconnues en Occident, Cyprien Boll ? Alors c'est pas un hasard complètement. J'étais inscrit à l'école de musique de la petite ville de Tournus quand j'étais petit. Alors je saurais plus dire exactement à quel âge s'est passé l'événement, mais un de mes enseignants de solfège faisait partie du groupe Les Voix Diphoniques, qui était un groupe qui était formé vers Lyon. Et un de mes enseignants fréquentait ce groupe. Et une fois, pendant une dictée musicale, probablement aux alentours des grandes vacances, ils nous ont passé pour nous faire une petite blague, comme dictée musicale, un chant diphonique. Non. Et j'ai été saisi par ce côté magique, presque impossible, parce que quand on ne sait pas comment ça marche, ça paraît impossible. C'est au moins étrange. C'est au moins étrange, ouais. D'entendre ces sons qui sont incroyables, de comprendre que ça vient d'une seule personne, c'est incroyable. Alors, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui est acrobatie. Je suis un grand jongleur aussi, par exemple. Je jongle jusqu'à 5 balles. J'ai toujours travaillé ça. Les acrobaties, ça m'a toujours fasciné. Alors, cette acrobatie vocale, je pouvais pas la rater, en fait. J'ai appris à jongler tout seul. J'ai appris à faire du monocycle tout seul. Je me suis dit que j'allais apprendre à faire ça tout seul aussi. Donc, je me suis dit, il faut que je sois l'acrobate du chant diphonique aussi. Gilly. Pour nous autres occidentaux, c'est extrêmement étrange de sortir deux notes à la fois, deux ou plus même. C'est même considéré comme impossible dans nos cultures. Voilà, alors vous venez de prononcer deux mots importants, étrange et impossible. L'étrange, là je vais aller avec mon oreille analytique pour vous parler de l'inquiétante étrangeté, le côté unheimlich de la voix. C'est un terme très freudien pour dire que nous sommes tous très tentés, mais très horrifiés par l'étrangeté des choses. Et avec la voix, elle permet de faire énormément d'excentricité dans plein de paysages sonores différents, dans plein de localisations corporelles, étranges, inconnues. On va explorer des excentricités vocales, des inconnues de la voix. Et puis quand vous parlez de l'impossible, c'est quand même très étrange, c'est-à-dire qu'avec le regard, vous essayez de percer l'invisible, de décrypter ce qu'il y a dans le noir. Et avec la voix aussi, elle tente tout le temps d'aller vers des contrées totalement inconnues. Ce qui représente une acrobatie du corps, parce qu'il faut quand même réussir à les sortir, ces deux sons avec des techniques très spéciales, une acrobatie mentale de se diviser en deux, et puis une acrobatie aussi par rapport à l'oreille des gens, leur faire entendre que ce n'est pas une monstruosité vocale, mais que ça peut vouloir dire quelque chose. Moi, j'ai lu une trentaine d'années de production littéraire sur le sujet, jusqu'au jour où je suis allé là-bas. En 2004, je pars en Mongolie pour commencer mes recherches ethnomusicologiques, mais aussi mon apprentissage d'apprenti chanteur diphonique, puisque jusque-là, je pense que je vais faire du chant diphonique. Et donc, je vais dans l'Altaï, dans l'ouest de la Mongolie. Et donc, la première réaction que j'ai eue, c'était d'être déçu. J'écoutais leur performance, je me dis, mais... Ça n'est que ça ? Oui, ça n'est que ça, ou alors même la sensation de dire « mais il n'y arrive pas ». Parce qu'en fait, j'avais tellement écouté et lu sur le sujet que je m'attendais vraiment à entendre de façon très distincte une mélodie d'harmonique au-dessus d'un bourdon vocal, de n'entendre que deux choses superposées, et donc d'avoir un focus vraiment important sur la mélodie d'harmonique en tant que telle. Alors qu'on était en fait dans un timbre vocal, avec du recul, beaucoup plus riche, mais beaucoup plus subtil à saisir. Et je rencontre plusieurs musiciens, connus, pas connus du tout. J'en ai rencontré une soixantaine sur ce terrain-là pendant 2 mois et demi. Et je rencontre notamment dans un village qui s'appelle Chanman, Tserandava, qui était dans ma liste, hein, puisque j'avais déjà vu son nom dans les enregistrements ethnographiques produits en Occident. Donc il faisait partie un peu des grands maîtres que je voulais voir, en tout cas des noms de référence qui revenaient souvent, même dans les recherches, etc. Et lui, en fait... me demande qu'est-ce que je fais là, etc. Donc, étant l'élève de Trang Quang Ai, c'était déjà un plus. Il le connaissait, donc c'était une première introduction. Et jeune prétentieux que j'étais à l'époque, j'ai l'audace de lui dire, en plus, j'arrive à faire des mélodies en chant diphonique. Il me fait, ah bon ? Bah, montre-moi. On était au petit déjeuner, donc toute sa famille s'est arrêtée pour m'écouter, évidemment. Donc, j'étais dans une des familles des grands chanteurs mongols. Et là, il m'écoute. Donc, j'avais évidemment le cœur qui battait plus vite que la musique. Et donc je fais quelques mélodies, ce que j'ai appris, une mélodie mongole, à la Clairefontaine, enfin un classique de Trang Quangai. Et les commentaires sont cinglants. Voilà, et il dit rien en fait, avec le flegme mongol qu'on connaît quand on rencontre les gens là-bas, ils ne montrent presque pas leurs émotions. Donc il se lève et il sort de la yourte. Donc sa femme me propose du thé. Je me suis dit, bon, je l'ai rencontré une petite heure, c'est déjà bien, on verra l'année prochaine. Et puis là, il revient, et en fait, il me propose de rester quelques semaines chez lui, et il m'a dit, si tu veux, je vais t'apprendre ce que c'est que le Khomi. C'est lui qui vous a dit, quand tu sauras chanter plus fort que le vent, viens me voir. Tu reviendras me voir, exactement. En fait, je suis resté quelques semaines chez lui, et donc on refait un exercice, là vraiment dans une situation de transmission directe, sous la yourte. Il me redemande de montrer ce que j'ai fait. Et il me dit ça, en m'écoutant, bah écoute, quand tu sauras chanter plus fort que le vent, tu reviendras me voir. Donc, traduit comme ça, on pourrait mal le prendre. Mmh. Se dire, bon, bah, en fait, c'est bien, mais c'est pas ça, et tant pis. Non, en fait, c'est une véritable invitation à rentrer dans la tradition, à apprendre à construire ma voix comme eux, sur le même chemin qu'eux. Et au bout de 2-3 ans encore, je venais le voir, j'étais persuadé de chanter en chant diphonique, puisque j'utilisais les termes occidentaux, et lui me regardait en me disant « c'est bien, mais c'est pas ça ». Est-ce qu'il y a une notion de performance dans la pratique mongole du Khomi ? Alors, il y a une notion de performance dans la pratique mongole du chant, en général. Ça, c'est très important, c'est d'impressionner son auditoire pour avoir tout le monde à l'écoute. Ça, c'est très important. Dans les cérémonies en Mongolie, il y a toujours du chant. On est invité à une cérémonie, par exemple, la première coupe des cheveux d'un enfant, un mariage ou autre, des cérémonies domestiques, il y a toujours en fait ce qu'on appelle le dorara, c'est un tour de chant et de boisson qui est en fait obligatoire, où tout le monde va participer. Donc les hôtes nous servent différentes boissons alcoolisées, et une fois qu'on les a dans les mains, tour à tour, chacun se doit de chanter en l'honneur de la personne pour qui l'on a fait la cérémonie, donc les mariés, le jeune enfant qui se fait couper les cheveux, par exemple, etc. C'est là où, ce que je vous disais, les Mongols sont tous des chanteurs, et ce sont des véritables jukebox. Ils adorent chanter, ils connaissent des dizaines, des centaines de chansons pour certains. Donc si on n'est pas musicien, mais qu'on est amateur, on va chanter la chanson qui nous plaît. Donc ça peut être un morceau de rock'n'roll, du hip-hop, le Johnny local. En fait, la musique qu'on aime. Et donc, s'il y a des diffoneurs, des diffoneuses, bah, ils vont pousser la diffonette. Essayez de vous souvenir, Cyprien Boll, du moment où, cherchant à émettre des harmoniques à partir d'un bourdon grave, vous y êtes parvenu. En général, quand on s'essaye à ça, il y a un moment où ça y est, ça sort. J'étais en train de faire du stop, je me cherchais, c'est-à-dire que j'étais au bord de la route, j'essayais d'innover des bruits de gorge pour en trouver des nouveaux, et d'un seul coup, je trouve ce son que je connaissais et que indirectement je cherchais, et là une voiture s'arrête. Ça faisait, je crois, 5 heures que j'attendais, et là, il ne faut pas que je monte dedans, sinon je vais l'oublier. Et bon, j'avais quand même besoin de partir, je suis monté dans la voiture, et au bout de 2 heures, on me dépose, et je priais tout le trajet de pouvoir le retrouver immédiatement, et ouf, je l'ai retrouvé immédiatement. Donc ça, c'est un souvenir d'un élément qui a été découvert comme ça, par hasard, en fait. Par tâtonnement, un peu. Ouais, alors là, pour le coup, c'est du vrai tâtonnement. On s'amuse à produire des sons de gorge, on cherche pour voir ce que ça donne, ouais. Là, ça fait mal, ça, c'est pourri, ça, c'est très intéressant, ça sert à rien. Et puis d'un seul coup, blam, ce truc se déclenche. Et ensuite, il faut pouvoir le reproduire et l'apprivoiser. Pour le coup, ce son-là, il faut le trouver. Il faut chercher. En imitant des choses qu'on connaît, comme, je sais pas, le bêlement d'un mouton, ou le fait d'être constipé, par exemple, où on se met dans des positions de gorge, où on serre de la manière qui est attendue. Enfin, que moi j'attends, que je cherchais. Donc, quel voilà. Rapport avec la constipation ? Avec la constipation. Et bien, quand vous mangez trop de riz, vous êtes constipé, vous êtes aux toilettes, et bien, je ne sais pas pour quelle raison, mais vous allez non seulement serrer les abdominaux, mais aussi le larynx. Et vous allez produire ce son-là, parce que ça fait mal au ventre. Et là, dans ce son-là, qui est facile à faire, qui fait appel à quelque chose qu'on connaît tous, on peut tous imiter ce son parce qu'il fait appel à quelque chose en nous. On serre le larynx et c'est un son qui est propice à la sculpture derrière des harmoniques. étonnamment. Donc si vous prenez un chanteur professionnel diphonique et vous lui enlevez tout ce qu'il a sculpté comme harmonique, vous verrez que son son de base, donc son bourdon, ressemble étrangement à ce son de quand j'ai mangé trop d'ail. Les diphoneurs sont amateurs de riz, selon vous. Le chant diphonique vient d'Asie. Ouais. Il y a plusieurs styles de chant diphonique dans les steppes de l'Asie centrale qui viennent déjà d'un désir de communication au-dessus du vent qui siffle, et qui siffle très fort, donc il faut que les harmoniques puissent fuser au-dessus du vent qui siffle, et aussi des chants rauques très graves, la voix se divise en deux voix, et il faut que ce chant rauque très grave puisse se faire entendre en dessous des sabots du cheval. Donc les personnes parcourent ces steppes, il faut bien imaginer le paysage vocal. Donc il y a des moments où ça ne parle pas, c'est-à-dire qu'un son va être émis sur un souffle extraordinairement lent et long, où même des enfants tout va, qui ont été enregistrés, il y a des concours d'enfants tout va, font entendre dès 5 ans ces deux voix distinctes, mais en plus avec des capacités pulmonaires qui vont étonner les phoniatres. Et ça, c'est extrêmement spectaculaire, entre guillemets, pour nos oreilles, de voir un tout petit bonhomme de 5-6 ans émettre un son qui est du côté des 50 Hz, c'est-à-dire extrêmement grave. Or, des cordes vocales d'un enfant de 5 ans qui font 4 mm sont réputées ne pas pouvoir attaquer un son de 50 Hz, qui sur nos pianos est un do 3 octaves en dessous le la du diapason. Passe dans le corps du petit mongol qui émet ce son et qui tout à l'heure sautera sur un cheval deux fois plus grand que lui et partira au grand galop. Il y a des enfants qu'on entraîne, que les adultes entraînent, mais c'est un jeu, à par exemple ouvrir grand la bouche, donc descendre le larynx, donc aller vers des sons graves, en leur présentant par exemple un morceau de viande pourrie. Donc devant ce mouvement répulsif, proche du vomissement, vous avez une descente du larynx qui va les aider à aller vers ce son grave. Et c'est un concours, c'est-à-dire qu'il y a de la compétition, on va dire, entre les petits frères sociaux pour réussir, c'est un jeu, à atteindre quelque chose de cet impossible. Voilà. Ils jouent avec leur voix, là où en Occident, on va leur dire « attention, ne pas jouer avec la voix, vous allez vous faire mal ». C'est un jeu, c'est une compétition. Ça, c'est dans leur corps, ils vont déjà chercher à aggraver cette voix. C'est encore plus difficile le chant guttural que le. Alors, c'est un coup à prendre. Le chant diphonique, oui. Pour moi, c'est vraiment venu d'un coup. Et c'est venu alors que je prenais un cours avec un chanteur bouriate. Alexandre Arrincheyev, donc un chanteur bouriate qui vient de temps en temps en France, et il m'a aidé, il m'a donné des conseils, il m'a fait modifier la position de la tête, fait modifier des petits trucs jusqu'à ce que tout d'un coup ça sorte. Alors, et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Bah déjà de la fierté, satisfaction. Oui. Et puis en fait ça détend beaucoup. Cette technique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est assez détendu pour sortir ce son. Dans la tradition mongole, la culture vocale, eh bien, il y a plusieurs techniques avec lesquelles on va se mesurer à la nature, et la nature va nous donner les clés, quelque part, dans cette situation, pour développer, apprendre, améliorer notre technique vocale en herbe. Donc on se met face au vent, alors évidemment un vent qui souffle, pas le calme plat. Et qu'est-ce qui se passe quand on se met à chanter ces voyelles ces gammes en quelque sorte face au vent, bah, le son part en arrière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait intuitivement pour mieux s'entendre ? Eh bien, on va chanter plus fort. Et dans cet acte de chanter plus fort, en fait, sans le savoir, on met tout en œuvre pour améliorer notre timbre vocal. C'est de la musculation, en quelque sorte. Exactement. N'hésitez pas à nous faire une démonstration. Hein. Mmh. Alors, donc on peut, par exemple, faire des battements de langue très rapides et essayer d'imiter le flot de l'eau. Alors, dans une technique que Tsarandava m'a transmise, dont il est le spécialiste, qui s'appelle Tagnen Homi, c'est le Homi de palais. Dans cette technique-là, donc on fait un bourdon vocal, on presse sur les muscles de la gorge, la pointe de la langue est placée contre la partie osseuse du palais. En glissant d'avant en arrière, on va moduler les sons de l'avant vers l'aigu, de l'arrière en glissant la langue en arrière vers le grave. Par contre, avec le procédé diphonique, en partant sur un bourdon à hauteur fixe et en pressant sur les muscles de la gorge, eh bien là, en fait, je vais enrichir le timbre de ma voix et donc mettre à disposition, avec ma voix actuelle, le maximum de fréquences médium et aiguë pour les faire ressortir et les sélectionner ensuite par un jeu de modulation des lèvres et de la langue, ces différentes fréquences. Mmh. Vous me suivez ? Oui. Je pars sur la voyelle A. Si je presse sur les muscles de ma gorge, et donc je transforme ma voix, vous allez entendre davantage la partie médium et aiguë de ce que je viens de faire. Et du coup, on va entendre un son qui est très différent, beaucoup plus puissant. Et donc maintenant, si je filtre... Donc je vais, en faisant ce A, je vais le transformer vers un O, vers un OU. Je vais avancer mes lèvres en avant, les mettre en quelque sorte en porte-voix, en appuyant sur la commissure des lèvres, et je les arrondis très en avant, comme ça, en mettant simultanément ma langue au palais, sur le palais dur, comme si je prononçais le son L, la pointe de la langue va toucher. Et bien là, je vais filtrer encore une partie de ce son-là, qui va considérablement changer, et on va entendre plutôt la partie bourdon et les aigus. La partie médium, en fait, quelque part, va être filtrée, absorbée par ce procédé. Donc on part de... Vous voyez ? Dans le même souffle, je suis passé de la voix claire à la voix dite pressée, au filtre, en plaçant la langue contre le palais, en avançant mes lèvres légèrement, et vous avez entendu que du coup, un son harmonique se dégage parmi d'autres. Et ensuite, si je garde donc cette dernière position et que je bouge ma langue d'avant en arrière, eh bien le son module, etc. Quand je me pose des questions à propos du chant diphonique, quand je me demande quelles harmoniques, quelles rendes harmoniques, parce que les harmoniques, on les numérote, quelles rendes harmoniques j'utilise, je joue la mélodie à la flûte pour me rendre compte des notes que j'utilise, et donc pouvoir en déduire les rangs harmoniques que j'utilise. Et on numérote les harmoniques parce que ça correspond à une vraie mathématique de l'acoustique. En effet, les harmoniques ont des fréquences qui sont des multiples de la fréquence du son fondamental. C'est deux fois, trois fois, etc. Et celles qu'on utilise beaucoup et qu'on atteint relativement facilement, c'est les harmoniques 6 à 12. Donc c'est 6 fois à 12 fois la fréquence. 6 fois, c'est 2 octaves et une quinte au-dessus de la fondamentale. Chaque fois qu'on multiplie par 2, on monte d'une octave. Donc l'harmonique 8, c'est la troisième octave. Et puis 12, c'est 3 octaves et une quinte. Et la technique permet, au bout d'un moment, à force de travail, de sortir l'harmonique désirée intentionnellement. Intentionnellement, oui. Et alors effectivement, c'est tout un travail. Très concrètement, souvent, avant de commencer... sur l'harmonique 8, qui est souvent le point de départ. Je chante, je diphone Frère Jacques pour bien me mettre dans l'oreille les harmoniques 8, 9, 10 et être sûr que je suis sur la 8. Il y a pas mal de chansons enfantines françaises qu'on chante facilement en chant diphonique. Du coup, pour s'entraîner, on utilise souvent des chansons enfantines. On peut chanter Alouette. Et on fait la mélodie avec les harmoniques aiguës. Avec les harmoniques aiguës, en gardant un bourdon constant. On peut chanter à la Clairefontaine. Vous nous feriez une démonstration, Emmanuel Roland? Bien sûr. Ouais. Alors par exemple, Alouette. Pourquoi les gens font ça, Emmanuel Arbalan, en Occident? Il y a quand même un plaisir à faire quelque chose d'un peu inhabituel, un plaisir à pousser sa voix dans des choses qu'on ne pensait pas possibles au départ, et puis même un plaisir physique à émettre ces sons et à les entendre. Et puis il y a un effet d'apaisement, un peu, du corps. Oui. Comme avec toute forme de chant, je crois. Oui. Ça détend, ça apaise, oui, oui. Et puis ça permet de penser à autre chose. Ça demande pas mal de concentration. Et rien que ça, ça permet d'oublier le quotidien. Dimension spirituelle à ces pratiques, Giovanni Curtet. La dimension spirituelle des Mongols, elle est très importante et on peut la comprendre facilement en observant cette relation de l'homme, des animaux et de la nature, ce rapport à l'environnement. Et donc, il faut aussi faire en sorte que, quelque part, si la nature nous donne quelque chose, eh bien, on part du principe qu'il faut lui rendre à un moment donné. Et donc là, les arts, en général, vont intervenir. On va souvent évoquer le pas des animaux dans des répertoires de jeux solistes ou des accompagnements de la danse ou du chant. Donc on va retrouver différentes allures du cheval, différentes allures du chameau, par exemple. Dans le cas du homi, on va improviser, par exemple, en imitant les sons de l'eau. Ça peut être le son de la cascade, ça peut être un petit torrent, un ruisseau. Et tous les clapotis d'eau, les entrechoquements, les gouttes avec les pierres, les musiciens vont imiter ça. Ce sont des pratiques presque exclusivement masculines, Giovanni Curtet, ce dont on parle. Alors, oui, pendant très longtemps, en fait, on pensait que cette pratique était réservée aux hommes. Et il y avait sans doute un doute qui planait sur la tradition. Certains maîtres, comme le grand maître Sun Dui, qui vient aussi du village de Chanman, qui est un aîné de Tserendava, disait que si les femmes pratiquaient, elles pourraient perdre leur fertilité. Pour la Mongolie, c'est-à-dire du début des années 20 au début 90, on n'a pas d'enregistrement, en fait, vraiment de femmes qui le pratiquent. Mais en fait, curieusement, moi, quand j'ai fini ma thèse en 2013, donc je suis retourné en Mongolie, et puis je prends le taxi depuis l'aéroport, mais je discute en mongol avec le chauffeur, qui me demande « Mais pourquoi tu parles si bien comme ça, le mongol ?» Et je lui dis que c'était pour mes recherches, pour apprendre le homi, et aussi pour faire des recherches ethnomusicologiques sur le sujet. Je viens de finir ma thèse, j'étais super content de lui annoncer ça. Et il me dit, ah, c'est marrant, ma grand-mère pratiquait cette technique vocale. Et ça, en fait, une seule phrase, et ça a remis complètement en question ma vision de ce doute sur les femmes qui planaient sur la tradition, puisque il était déjà d'un certain âge, ce monsieur. Donc si on parle de sa grand-mère, ça nous fait remonter au début de la période soviétique, donc on parle peut-être des années 20, 30, voire 40. Donc là, comment sa grand-mère a-t-elle appris à ces époques-là ? Mystère. La vision des occidentaux, en tout cas des étrangers sur cette technique vocale, est toujours très particulière. À chaque fois qu'on découvre cette technique vocale pour la première fois à l'oreille, ça fait un effet particulier. Parce que c'est très déconcertant. Voilà. Alors l'incompréhension, le trouble, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, donc ça nous provoque une autre relation en fait au son et à l'espace. Des personnes, évidemment, trouvent que ça a des propriétés calmantes, relaxantes, par exemple. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça, et que lorsque vous pratiquez le chant diphonique, ça vous fait du bien, bien sûr. Joanny Curté. Bien sûr. Alors, certains bergers mongols le disent. Voilà, quand on rentre de la journée dans la steppe, faire un petit komi, ça apaise, ça calme, ça fait le lien avec la soirée, ça casse la journée. Et ça... Bon. Comme on va boire une bière en sortant du bureau. Ouais, exactement. Donc il y a des propriétés comme ça relaxantes. Et ce qui est intéressant de signaler à ce sujet, c'est que en Occident, la vision en fait de cette technique vocale a été souvent associée justement au bien-être, à la méditation, notamment à travers le courant du bien-être, de la New Age, etc. Et donc là, en fait, on est dans un contexte qui est tout à fait différent, où cette technique vocale ne s'appelle plus du tout Homi, même si certains font des amalgames encore avec. On a plutôt tendance à l'appeler chant harmonique, parce que le focus, il est basé sur les harmoniques. Cyprien Boll, vous avez animé beaucoup de stages et d'ateliers autour du chant diphonique. Quel est le public de ce genre de stage ? Ah, il y a de tout, c'est principalement des hippies. Alors, des hippies quand on est sur festival, et le public un peu new age quand on est dans les grandes villes. J'ai jamais rencontré énormément de profils comme moi, de simples curieux et acrobates. Mais c'est vrai que le public, aujourd'hui, principalement, c'est des gens qui sont dans la recherche d'une magie, d'une guérison, même souvent. À la recherche de la guérison. C'est quelque chose qui m'a... Pas que ça m'a pas intéressé, mais ça m'a toujours un peu énervé de voir... Parce que moi, si vous voulez, dans mes enseignements, voir arriver des gens... avec 50 cailloux dans les mains, qui me disait « pose-le ici, tu verras, tu vas chanter mieux ». Moi, je suis un scientifique de formation, je suis ingénieur agronome, statisticien. Me faire dire qu'une opale, ça va me détendre l'oreille gauche, ça, vous laisse un peu sceptique. Ça me laisse sceptique. Voilà, j'accroche pas à ça, j'accroche pas aux petits esprits verts, aussi maléfiques qu'ils soient ou pas du tout, qui se baladent dans nos forêts. Voilà, j'entretiens pas ce genre de relation avec le chant diphonique comme certains le font. Mais il y en a plein qui le font. C'est un univers où on rencontre pas mal d'allumés. Ouais. Enfin, sur les festivals où là, ce sont les points de rencontre de la France et de l'Europe entière de ces publics-là, des fois, vous êtes assez surpris. Mais ce qui a toujours été un fait avéré, c'est que ce sont très très peu de musiciens qui s'intéressent à ça. Ok. Ouais. Alors, c'est pas pour les critiquer, hein, ces gens, hein, mais j'aurais bien aimé partager plus avec des... J'en ai eu, évidemment, hein, mais c'est loin d'être la majorité. Je pense aussi qu'il y a l'attrait des steppes, du monde de vie nomade. Et puis, chez pas mal de gens, il y a un attrait aussi pour le chamanisme, mais c'est un peu un piège, parce que c'est pas un chant chamanique. Même si aujourd'hui, enfin, je connais au moins un chaman qui utilise le chant diphonique dans sa pratique chamanique, mais c'est, les ethnomusicologues disent que ce n'est pas les outils sonores du chaman, c'est la voix chantée normale, c'est la guimbarde, c'est le tambour, mais traditionnellement, c'est pas chant diphonique. Mmh. Et pourtant, je pense que chez les gens qui pratiquent le chant diphonique en Europe, il y a cet attrait pour le chamanisme aussi. Souvent, pas toujours. Et alors justement, en Occident, il y a des gens qui sortent des harmoniques en partant de voix beaucoup moins timbrées, beaucoup plus pures. C'est joli d'une autre manière. Moi, ça me touche moins. Et assez systématiquement, les chanteurs traditionnels qui donnent des cours disent « ça, c'est le chant... harmonique occidentale, ce n'est pas notre chant diphonique, ce n'est pas notre romi. » Qu'est-ce qui diffère? Au niveau anatomique, ce sont les mêmes phénomènes? Moins de tension dans la gorge, peut-être un larynx moins haut, c'est une hypothèse, mais moins de tension dans la gorge et une voix à l'oreille qui paraît plus pure et qui est moins timbrée. Ça, c'est pour le chant harmonique occidental. La pénétration de ces techniques de diphonie du monde occidental, c'est relativement récent, c'est plus ou moins les années 80, avec un personnage américain qui s'appelle David Hikes. Mais oui, c'est à l'écoute des vents solaires. Exactement, c'est l'un des inventeurs en fait de ce qu'on appelle tous aujourd'hui le chant harmonique. Et certains des chanteurs et chanteuses en fait se sont inspirés de ça pour développer une quête vocale ensuite, notamment Jill Purse en Grande-Bretagne, qui, elle, en a fait tout un parcours holistique, chamanique, et pour elle, c'est la voix qui guérit, et elle se sert vraiment de cette technique vocale, elle a développé toute une pratique, une transmission autour de ça. Le yoga de la voix. Oui, et pour aller même beaucoup plus loin. C'est recevable. Ah ben bien sûr, mais là où c'est critiquable quelque part, même si ces voix et ces sonorités peuvent faire du bien, ça c'est certain, c'est de faire l'amalgame en disant que c'est mongol ou autre, et d'associer ça en fait à la tradition asiatique, où là-bas en fait ça n'est pas du tout une réalité. C'est-à-dire que pour moi c'est plus une tradition parallèle ou une réinvention de la tradition qui s'est opérée récemment en fait, avec une certaine projection exotique sur l'étrangeté de ces sonorités avec la distance géographique, culturelle, etc. Mais après tout, quand on connaît la technique, on peut en faire exactement ce qu'on veut. Ah ben ensuite, et d'ailleurs, oui. Il semblerait que les Mongols soient assez attentifs à ce qui se fait en Occident en matière de chant diphonique. Il y a comme un retour. Quand on leur fait écouter donc ce que on appelle du chant harmonique, vraiment avec le son très New Age en fait, où le bourdon n'est plus du tout une couleur de base enrichie au niveau guttural pour provoquer des résonances importantes. Et les Mongols sont pas du tout dans cette recherche de timbre-là. On a vraiment deux portes d'entrée très différentes dans ces deux traditions, en fait, quelque part. Et quand on fait écouter ça aux Mongols, eux disent « Ah bah oui, c'est autre chose ». Pour eux, c'est pas du tout en lien avec ce qu'ils pratiquent. Même si pour les Occidentaux, ça vient de là et de l'imaginaire ensuite qu'ils ont développé par rapport à ça. Dans les deux cas, il y a une dimension de recherche de spectaculaire. Ah bah bien sûr. Dans le cas de la New Age et du chant harmonique, alors David Icke s'en est servi dans une dimension vraiment de création contemporaine très intéressante. Par exemple, côté mongol, c'est devenu une musique spectaculaire, vraiment pour les arts de la scène. À votre avis, Cyprien Boll, que pensent les Mongols, Touva ou Kalmouk ou Tibétains, des Occidentaux qui tentent de pratiquer le chant diphonique? Ils doivent bien se marrer, je pense. Je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi toi tu fais ça, en fait? Qu'est-ce que tu revendiques, en fait? Parce que c'est la culture de quelqu'un. Ça paraît beaucoup plus évident de se dire « Mon père faisait ça, donc je le fais, je l'ai appris, et je le réapprendrai à mes enfants. » Ça paraît beaucoup plus évident. Mais effectivement, côté Asie centrale, je sais pas du tout. À mon avis, ils doivent bien rigoler. Ils doivent bien rigoler parce que, surtout quand ils voient ces aspects New Age, parce que eux, ils le pratiquent pas du tout. Moi, si je vous raconte des anecdotes que j'ai vécues avec des Mongols en sortie de concert, c'est genre on sort du concert, on sort du théâtre de la ville, hein, pas de n'importe quelle salle parisienne. Hein, et puis derrière, sur un trottoir, on boit une bouteille de 1 litre de vodka Enfin, c'est anti-New Age, je veux dire. Et le gars, il venait de faire un concert tout seul au Théâtre de la Ville, devant 1500 personnes, probablement dont la moitié devait être en position du lotus pendant le concert. Il y a un décalage énorme, il y a un décalage énorme. Le type derrière, il allait s'enfiler un couscous royal dans un kebab et il avait bu sa bouteille de vodka sur le trottoir. Voilà, c'est donc son hygiène de vie à lui. C'est son hygiène de vie à lui, ah oui, oui. Donc c'est là que je me dis, ils doivent bien se marrer quand ils voient ces espèces de gars qui se baladent avec des plumes de vautour dans les cheveux et qui croient en dimension chamanique du loup et tout ça. Ouais. C'est compliqué, hein, mais je pense qu'ils doivent bien rigoler. Ils ont compris qu'on était impressionnés par eux. Après, ils ont bien compris aussi que c'est un sacré business. Eux-mêmes sur... C'est pas illégitime. Non, non. Après, eux-mêmes, sur leur com', ils vont dire que leur chant est guéri. Derrière, il y a des gars qui vont pratiquer des chants de guérison, des trucs. On voit des choses apparaître depuis un certain nombre d'années qui sont clairement liées au business commercial du bien-être. Donc, à mon avis, ils se marrent bien. Ils se marrent bien. Le chant diphonique des steppes, avec Emmanuel Ruelland, diffoneur, Jean Abitbol, phonéâtre, Joannie Curtet, ethnomusicologue chargé de cours à l'université de Rennes 2, Cyprien Boll, diffoneur, Claire Gilly, musicologue et psychanalyste, et la voix de Tran Quang Hai, ethnomusicologue. Merci à Émilie Maille, anthropologue. Donc là, on écoute un enregistrement de terrain que j'ai effectué à Tsengel, dans le Haut-Altaï. C'est le maître Papizan Badar qui nous fait un exemple de ce qu'il appelle Dak Kargila. En Touva, ça veut dire le Khargila de montagne. C'est vraiment l'autre porte d'entrée dans la tradition diphonique, puisqu'il y a une pratique aiguë sur laquelle on fait un bourdon et au-dessus duquel on développe des harmoniques et des résonances, et une autre pratique dite grave, dans laquelle en fait on va réaliser comme son fondamental, couleur de base, un double bourdon. C'est-à-dire qu'en fait on fait une vibration des cordes vocales et simultanément on réalise une vibration des bandes ventriculaires qui vibrent une octave inférieure à celle des cordes vocales et donc crée un double bourdon simultané le temps du souffle, au-dessus duquel, au-dessus de cet édifice, on va développer la mélodie d'harmonique et les résonances. Et là, dans la pièce qu'on entend, Papizan continue par une petite louange au Homi, où il chante, il alterne avec une voix semi-pressée, et en fin de phrase, des passages en diphonie dans le style aigu que lui, dans la langue Touva, appelle Segit. Et le Segit, en fait, ça veut dire le sifflement. Il nous fait une éloge du Homi, il dit en gros que voilà, on le garde dans son dos, on le met dans sa poche, on le met dans son sac, on peut pas oublier la tradition Homi. Prise de son Yvan Turc et Johan Vincent. Coordination Perrine Kervran. Attaché de production Marie-Vonne Abolivier. Archivina Marine Decamp. Si on chantait, Marie-Laure Ciboulet, Olivier Chaumel. Chou. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans la steppe, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, le chant lyrique.